la boule meurtrière part avec une rapidité stupéfiante qui a surpris les spectateurs les plus avisés. Instinctivement, ils attendent le claquement sec de l'acier, le choc salvateur, la récompense après le suspense. Un bruit sourd et lourd répond à leur attente. L'ange est passé. La boule est toujours là. Il l'a manqué. Il a fait un trou. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas l'avoir loupé. Et pourtant, si, il ne l'a pas eu. C'est la catastrophe. Dédé du chemin bas en a les jambes coupées. Il va pleurer. C'est la consternation. Le visage cramoisi, Maxou, apostrophe chichi incrédule, qui s'est retourné, tête baissée. D'un geste de rage, il piétine sa casquette, puis s'agenouille, et joignant théâtralement les mains, il implore le ciel qui lui tombe sur la tête. Les bruits extérieurs reprennent le dessus. La circulation automobile, un instant stoppée sur le boulevard, par l'imminence du miracle espéré, reprend son cours. Le public éberlué se disperse, lentement et à regret, en groupes bruyants. Sur le Jean Jaurès, des équipes de râleurs dépités refont la partie, à grand renfort, de gestes exaspérés. D'autres s'éparpillent rapidement, les mains dans les poches, la tête basse, perdus dans des souvenirs pas si lointains, où jamais de la vie, les anciens n'auraient toléré un pareil affront. Le Zé, du monde du plan, qui sait de quoi il parle, tient une conférence sur la place Séverine et décortique méthodiquement cette dernière mène où Chichi a, semble-t-il, été déstabilisé par le flash d'un mystérieux touriste japonais que personne n'a vu, sauf lui.